Il y a tellement eu de manipulation autour de ça que c'est à se demander. C'est comme quand tu essaies quand tu montres que tu caches de quoi, là, puis tu n'arrêtes pas de le montrer, que tu caches quelque chose là, dans tel coin, c'est là, puis je la cache. Il y a de quoi qui marche pas, là. Moi, j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Ça ressemble à de la mise en scène. Trop. Puis le monde, ils sont tellement, tellement, tellement naïfs. L'être humain, il a une mécanicité en lui qui fait que il a besoin de se confirmer puis de croire. Puis il a tellement besoin de croire puis de se confirmer que il va se mettre à faire des recherches puis accumuler de l'information inutile. Tu sais, c'est comme, admettons, là, je sais pas, moi, ce qui se serait passé à telle base militaire, dans tel coin, puis tout. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, je peux rien faire avec ça. Ça va changer strict rien, fuck all, à ma vie. C'est comme, il y a dernièrement, il y a quelqu'un qui, j'étais en live, puis quelqu'un qui arrive et dit, ah, oh, le soleil, c'est un hologramme. Puis je disais, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est pas des affaires de même qui font que je vais intégrer, tu sais, dans ma vie de tous les jours, puis être de plus en plus, avoir plus de présence, puis des choses comme ça, puis être de plus en plus habile, puis habile, alerte, puis capable de m'habiter de plus en plus. C'est jamais lié à des choses comme ça.